Ouais, bon, avec les masking tape, c'est plus dur. Thank you. Ça peut être un peu trop, mais c'est vrai que c'est un peu trop.